إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو درس توحيد بني أمل تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني sunu bindi yi wessu borom tere bi mi ngi don leral lu aju ci laaj yi nga xamni mom moy ñetti ciosan yoyé nga xamni ci la diina ji reposé wu dañ koy laaj doomu adama ci biir bamélam nan la defo nak ñetti yoyé ba mu doon dund ci kaw suuf nan la defoon ak ñett yooye. Ba ñu nekkee gone léegoo-léeg bañ koy jàng nga dégg ku naan la man daal nii laa koy jàppee suñ ma laajee sama biir bàmmeel ma tontu. Mais yaakaar naa ni bàyyi ngeen xel ne benn loolu waxi xale la woon, waxi xale waxi gone la ma ngoog muy benn. Ñaareel bi aussi romb nañ ci darse bi borom téere bi di ñu wax ne dundu barzax ak dundu àdduna bokkul. Waaw, ñoom ñaar seen paramètre bokkuñu, seeni réalité bokkuñu. Ma ngoog wax jooju waxi xale la, dafay xaw nuroog benn ci pas-pas yi nga xam ni ñenn ñi dañ koy fas. Xam ngeen gis ngeen yenn xeet yi ñi nekk ci yeneen xeetu ay mbir ñu tuddee ko diina. Suñu amee néew gis ngeen leen ñu jël ay mbir suulaale ko ak néew bi, ay genre yóbbante, ay genre yóbbal yu ñuy jox néew bi. Loolu fu muy mujjee xam ngeen ne ñi nga xamante ni nii dañuy ñëw di sulli néew yi am na xam ay sàcckat lañ. Du cëru néew bi moo leen intéressé, lenn ci cëram déedéet, mais objet yi ñu koy suulaaleel yóbbante yooyu ak yóbbal yooyu moom la ñuy sàcc si. Foofu la daan mujjee ma ngoog. Nga gis ne kon am na ci kuréeli ñoo xam ni seen pas-pas loolee la. Ñoom jàpp nañ ni daal dund bii nii anam bii mooy continuer ba boo jëloon tey néew bi jël sa benn montre or ne ko lii am yóbbal la, boo demee joxal ma ko sama nijaay diw wala sama yumpaañ diw mi jiitu woon. Donc néew ba nga suulaale kook montar ba sa nijaay jooju nga xam ni faatu woon na lu jiitu dana jot ca montar ba. Allahul mustaan. Donc giseen borom téere bi leeraloon na loolu. Te it waxoon naa la loolu ni benn point la bu scientifique boo xamante ni nii scientifique yu bari ludul ku ci borom bi tabaraka wa taala yërëm pour nga comprendre que c'est difficile. Problème paramétrage kese la, te pourtant ñoom ñooñu fi créé ay téléphone. Yaa ngi dégg, yow sa téléphone paramètre yi mu am, man sama téléphone amu ko. Donc sa téléphone mën na capté loo xam ni man sama téléphone mënu ko capté. Ñoom ñoo fi inventé microscope. Paramétrage microscope bokkul ak paramétrage bët bi nga xam ni c'est à l'œil nu, ainsi de suite, ainsi de suite. Principe yooyu ñoom gis nga des fois quand il s'agit de l'islam rek dañuy gumba. Loolu mooy gumba xol. Bu islam jotee rek paramétrage yooyu, notion yu élémentaire yooyu nga xam ni notion scientifique la, ñoom dootuñ ko mën comprendre. Ils deviennent aveugles. Dañuy gumba ci saasi. Allahul mustaan. Donc loolu bàyyi ko xel. Waaw, di wax naan man rabbu ko allahu rabbi, man nabi ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabi, maa diini ko al islam diini, kon lol kessa la non la koy jappé kon buñ ma malaakai laajé rek ma tontu waxi xalé la lolou waxi xalé la wa wax la jo xamni da xawa jégué pass passu ñoñé lutax dundinu aduna ak dundinu bir ba mel bokku aduna fi yaangi fi yaangi fi dundu kon am nga ay notion ci aduna ni ngi fi dundé mais bammel dama gofa al-akhirah dama gofa te ken jogé gu fa ñew xibar la kon notion zéro nga ci am amo ci ben information kon nan nga wara mëna préparer wo pour tontu lol nga wara poser wu la question kon dafa melni trois questions yi dafa am leneen luñu ëmb bangok leneen luñu ëmb ludul ñu ñew salako rek nga dégg ko nonu rek jappé ko nonu rek di ci démé nonu rek bangok man rabbuka ma dinuka man nabiyuka dafa am lu muy impliquer fi bi nga doon dund ci kaw souf dafa am lu mu laaj dafa laaj taxaway dafa am no ci wara taxawé lolou yakarna borom téré bi xous na ci yaatal ci rombon nañ tafsir bu nasi saadi lam waxon ci aya bobu nga xamni borom téré bi indi nako ci suratu ibrahim te mu yuthabbitu allahu alladhina amanu ndekati kon fofé ku am ak deugar lay yalla mo la deugaralal salam miñ gis nga ko ndax fi ci aduna de nga bir ba mel ken togato la jëf mais fi lañ la toggé jëf defal la ay capacité defal la nangam ak nangam yo xamanteni ni ngir nga mëna taxawé jëf yiñ la toggu la gis nga ko suñu borom defal na la ay loxo mais loxo yoy du pour lek ciép kessé boy julli da ngay yëkëti say loxo ni allahu akbar gis nga suñu borom defal na la ay bëtt mais bëtt yoy du pour sétane télé rek sétane film ak football kessé hein amna ño xamni wallahu almustaan seen ndoxu bëtt ci loolu lañ koy jéxal ci écran yi alquran bi njangum alquran nak subhanallah amna julit yo xamni bala ño lal kamil amna xam sax ñom mënu ñoo lire alquran faf mo ba pare nak ñom ils ont la conscience tranquille subhanallah hein am conscience tranquille quoi mais imaginez amo ben remords amo ben inquiétude amo ci ben jaxlé defu la sax yitté defu la préoccupation té tay bu doon ben ndawtal ben ngenté mu préoccupé la té tay ben tissu bu gennon mu nek sa occupation numay def ba am ci tay bu ñé match Ligue des Champions moy sa occupation do am jamm bu ñé finale Coupe du Monde wala Coupe de Nangam do am jamm moy sa préoccupation mais yow mëno lire alcorane bi non y a pas de problème. Tout est ok, tout est nickel. T'es mono lire Al Quran. De vous laisser souci. Ya salam. Faut que nous cholat ni ni dunde. Ah? Si c'est mon dundu bien, nous t'égal ni. Voilà, bon, si c'est mon dundu bien, gaham ni, d'un coup adapter son bob, nango ko nyo, parce que nous nyo accepté. Nous nyo accepté. Ah oui. Ñun ñoo ak aduna mais dundu c'est un problème de choix et de sacrifice aduna lool la c'est un problème de choix et de sacrifice ndax heureu lek bu joté dañ lay tim ak fétal forcé la na la lek ko hmm il va choisir li lek yow ko tan yow ya ni ci yebu jeul la bëgg té pourtant soupe kanje mi ngi feulé nga né ndugal ci yebu jeul ñu togg ci yebu jeul té pourtant ndug soupe kanje mi ngi fi. C'est un problème de choix. Hein? Donc, ce qui l'a intéressé, il y a encore choisir. Mais il y a encore les sacrifices nécessaires pour que vous puissiez acquérir loolu pour nga mën koo concrétiser. Bi nga bëggee seetaan match, nan nga def? Da ngaa dem jënd écran plat. Écran plat ñaata lay jar? Tey kër jullit ñi, kër goo dugg tey am na écran plat? Wala sax ay écran plat? Ay écran plat. Écran plat benn bi ñaata lay jar? Yéen a ma ko gën a xam. Waaw. Ndax man alhamdulillah sama dund mësuma jënd télévision. Alhamdulillah mësuma koo waxaale sax. Ma ngoog. Allahul musta'an. Ci sant borom bi tabaraka wa taala bu baax sax. Waaw. Aha. Borom benn bët boobu. Aha. Ñaata lay jar? Tayib. Kamil. Comme niñ koy waxee fii, ñaata lañ koy weccee ko? Matul 5000 de. Matul 5000 de. Da ngay gis ku faatu ab kilifa ci biir kër faatu bàyyi ay écran plat te bàyyiwul sax benn kamil ginnaawam. Bàyyiwul benn kamil ginnaawam. Seetal loolu. Problème de choix la. Oui non, njaboot gi il faut nga jëndee leen télévision. Loolu lañ daan laye. Njaboot gi il faut nga jëndee leen télévision. Xam nga rek boo leen jëndee télévision ñu dem seetaanaan yi. Bu njëkk ba da ngay gis benn télé li ñuy jënd pour ñëpp tout le monde. Mais tey gis nga am na façon chaîne yu fi dugg. Léegi nag il s'est trouvé que chaîne yooyu moom wax dëgg yàlla papa mënatul toog toogandoo ak doom ñuy seetaan na doom mais les mêmes chaînes. Les mêmes films di fa jaar. Donc on est obligé il faut salle bi am télévision. Salle bi am benn. Gis nga chambre enfant am benn. Chambre parent am benn. Au minimum. Muy ñaata télé seen écran plat yooyu noonu compté leen Sénégal combien de millions de personnes ah vous voulez développer votre pays mais c'est pas la peine de faire des marches soxlawul dem marche da ngeen bëgg seen bëkk seen dëkk développé ah mais ce qui développe votre pays est entre vos mains yéenay dem di jënd ay pacotis au lieu d'acheter quelque chose qui est utile mais yéenay dem di jënd écran plat, ça coûte combien? Combien de millions de Sénégalais, combien de maisons ont un écran plat? Mais lolu non multiplié ko par le nombre de maisons au Sénégal yi am écran plat, nga multiplié ko par prix bi ñaata la lay jox, lan la lay jox? Combien de milliards? Ah? Écran plat yi ñukoy défar africain yi. Xaliss milliard bobu ci yeen entreprise la dugg? Mais ay entreprise étrangère la dugg? Voilà. Réew mi doxul mais réew mi doxul on a notre part de responsabilité là-dedans. Sunu dundin maanaam doxalin bii nga xam ne tey moom lañ bëgg incarné te moomuñu ko du sunu bos du sunu bos moomuñu ko moomuñu ko loolu nag feebar la bu sori boo xamante ni ci diine gi la tàmbale. Gis nga nit ki bu amee feebaruk diine feebar boobu dafay gangrené àddunaam waaw feebaru diine gis nga feebaru diine boo amee feebaru diine day mel ni cancer waaw cellule par cellule muy déstabiliser di détruire les cellules tissu par tissu yi di yàqu organe par organe yi di yàqu système par système mu yàq l'organisme tout entier va finir par être dévoré par cette maladie. Gis nga moo tax muytul am feebaru problème feebaru diina defaral sa pas-pas sa ngëm-ngëm defal ko moo tax borom téere bi sonn lool ci leeral ba ñu bëri sax dañ koo jéppi de gis nga borom téere bi gaa ñu bëri dañ koo jéppi naan kii moom loo wax rek mu ne mbirim pas-pas mbiru defar sa xol mbiru tawxid nañu may sunu jaamuwaay am na ñu bëri dañ koo jéppi ndax loolu allahul musta'an yàlla na ko borom bi tabaraka wa taala fay ngën ji rafetik fay kon nag loolu lu jar a bàyyi xel la laaj yi du dañ la koy sa rek nga daal di koy denc ba keroog ba mel jot nga daal di tontuwaat génnee tontu déedéet waaw mais école sax boo demee jël leçon boo demee jël leçon mooy def leçon bi dagay jël leçon bi après denc ñew tok mais dagay mettre en pratique leçon bi dem nga jël cours bobu qu'est-ce que ça implique moy bo ñe nga réviser ko li nga wara parcériser nga parcériser ko compréhension bi ci war nga am ko exercice yi mu andal nga def ko ay deg mango lu mu laaj lo xamni dang ko wara jëfé ci sa dundu nga koy appliquer mais non la question yi lool la laaj ñetti laaj yi lool la laaj na nek sa dundu su nekul won sa dundu bo démé ha ha la adri nga fay am ha ha la adri ha ha xawma won xamoko won parce que nekul won sa dundu peut-être dan nga ko wax ci salam nit ni xamone nga ko ci diko dégg ci nit ni mais dundo ko kon lamu laaj moy dundu motax gor ga neena hadhihi al-usul ath-thalatha laha ahammiyatun azima mune cey aka neexon nga xam rek gis nga ñetti ciosan yi senu solo ko reey way walihada rakata alayha ash-shaykh mune lolu motax borom terib de ci insister rakata alayha daf ci tarkiz insister ci bu baakha baakha baakha baakha baakh fi hadhihi risala ci terim bi wa waddahaha muleral ko min ajli an nadrusaha ngir ñu jang ko jang bo xamanteni day nek lu detail wa natama ana fiha ginaaw biñ ko jang ba xam ko nak ñu dal di koy appliquer womatu ci pratiquer ko wa na'taqidaha ñu fas ko gem ko ci sun bir xol mango ba nga xamni da fay imprégné wu ci sunu organe yeb imprégné wu ci bép tressu tissu bu nek ci sunu yaram waye sax ci sunu cellule yaram yeb ngo mune wa na'mal biha ñukoy jëfé nak 24 heures sur 24 7 jours sur 7 mune la'alla Allah ay yuthabbitana lolé ngir lan ñu yaakar ci borom bi tabaarak wa ta'ala boole ñu ci ñi nga xamanteni ni daf leen di dëgeural ngo sunu borom kat neena wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ñi gor golu di def effort di sonn ci sunu biyon dañu len gindi waaw da len gindi ci yoon bu jubbi ngok mune ngir sunu borom defal ñu defal len al qawlu thabit fil hayati dunya wa fil akhirah mu defal ñu wax jo xamni kaddu go xamni gu saxla kaddu gu deugar fi ci aduna ak al akhirah comme niko aya bi niko ay bi junjé bu ko défé mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh